Écoutez l'anglais, dites le français. Listen to the English, say the French. Et puis, répétez la bonne réponse après la pause. Then repeat the correct answer after the pause. Nous commençons. Her money. Son argent. His wallet. Son portefeuille. Her suitcases. Ses valises. Her letter. Sa lettre. His credit cards. Ses cartes de crédit.